Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 45. Du miracle de la transfiguration en particulier. But de la transfiguration. De quelle nature était la clarté que l'on y vit? Dessein de Dieu dans le choix des témoins. Pourquoi la voix du Père se fit entendre? 1. Convenait-il que le Christ se transfigura? Et il se transfigura devant eux. Matthieu 17, 2. Pour marcher avec résolution dans une voie difficile, il faut en connaître l'heureuse issue. Le Seigneur, en annonçant sa passion à ses disciples, les avait engagés à le suivre. Il fit très bien de se transfigurer devant eux pour leur laisser voir la lumière de sa gloire. Par une disposition pleine de miséricorde, dit Bède, il leur permit de goûter un instant, dans une délicieuse contemplation, la joie qui demeure à jamais, afin qu'ils supportassent avec plus de force l'adversité. 2. La clarté du Christ, transfiguré, était-elle la clarté glorieuse? La clarté dont le Christ parut revêtu dans sa transfiguration fut essentiellement la même que celle de la gloire, mais, à la différence de ce qui a lieu dans un corps glorifié, elle fut une impression transitoire, qui fit resplendir miraculeusement sur son corps la gloire de son âme et de sa divinité, tandis que, reçue comme propriété permanente dans un corps glorifié, elle n'y a pas le caractère du miracle. Note. La clarté de la transfiguration représentait la gloire qui embellira le corps des saints et celle dont le corps même du Christ devait jouir plus tard. Ses vêtements resplendissants figuraient la splendeur des justes qui lui seront unis, mais dont la gloire sera distincte de la sienne, comme la clarté de la neige diffère de celle du soleil. La nuée lumineuse était une image du monde renouvelé, où habiteront les saints. Fin de la note. 3. Les témoins de la transfiguration ont-ils été convenablement choisis? Il convenait que la transfiguration eût des témoins choisis, non seulement parmi les hommes qui avaient précédé le Christ, tels que Moïse et Élie, mais parmi ceux qui devaient le suivre, ce furent Pierre, Jacques et Jean. La vérité du fait fut au moins confirmée par la parole de deux ou trois témoins. Note. On a demandé pourquoi les anges n'y furent pas présents, pourquoi Moïse et Élie furent choisis de préférence aux autres prophètes, pourquoi Pierre, Jacques et Jean, à l'exclusion des autres disciples, y furent ennemis. La transfiguration avait pour but de montrer la gloire réservée à nos corps. À quoi bon les anges y auraient-ils été appelés? La présence de Moïse et d'Élie s'explique par plusieurs raisons. Moïse, mort depuis plusieurs siècles, et Élie, encore vivant, témoignait que le Christ est établi juge des vivants et des morts. La vue de ces deux saints personnages, qui avaient bravé la mort, le premier devant Pharaon, le second devant Achab, et qui s'entretenait de la passion et de la mort du Sauveur, affermissait le cœur des disciples témoins de ce spectacle. Moïse était le représentant de la loi, Élie, celui des prophètes, au nombre desquels il avait occupé un rang très élevé. Pierre, Jacques et Jean étaient les plus éminents de tous les disciples. Pierre l'emportait sur les autres par son attachement à son maître, Jean, par sa virginité, Jacques, par son courage. Fin de la note. 3. Convenait-il que la voix du Père rendît témoignage dans la transfiguration? Notre adoption, qui s'opère par une ressemblance avec le Fils unique de Dieu, commence par la grâce de notre baptême et s'achève par la gloire de la patrie céleste. Nous sommes dès à présent les enfants de Dieu, disait saint Jean, mais ce que nous serons plus tard, nous ne le voyons pas encore. 1 Jean 2, 2. Comme la grâce de l'adoption nous est donnée dans le baptême, et que la transfiguration montrait la gloire future, il convenait que, dans cette occasion, ainsi qu'au baptême du Christ, la voix du Père se fit entendre, pour attester la génération divine de son Fils. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.